stade d'harmonium. Donc, si on fait le calcul rapidement, en 3 ans seulement, Harmonium est devenu le groupe de l'heure au Québec. Tout le talent d'ici, une seule adresse, lafabriqueculturelle.tv. Viens voir le paysage. Et bienvenue à l'émission Le Grain de Sable, ici à l'animation Jean Cloutier, en compagnie d'un chroniqueur que vous connaissez, si vous êtes un habitué de ces samedis après-midi, jusqu'à 15h. Étienne Blondeau, merci d'être là. Bonjour. Bonjour. Eh bien, on n'a pas eu la chance de chroniqueur de Grain de Sable depuis l'élection américaine, à moins que vous soyez sur une autre planète et que vous arriviez là, probablement que vous ne savez pas que le président désigné des États-Unis d'Amérique, notre voisin du Sud, est Donald Trump, qui a vraiment surpris tous les sondages et tous les grands experts, sauf quelques irréductibles qui étaient convaincus. Et je salue ici Michael Moore, un de mes idoles, qui fait des documentaires. Vous avez sûrement entendu parler de ses documentaires. Ce grand était convaincu. Je me souviens d'avoir vu un article publié dans The Guardian, retransmis par tous les réseaux sociaux que vous connaissez, où il annonçait, il était un peu vraiment le fou dans le jeu de quilles, qui nous annonçait l'élection de Donald Trump parce qu'il connaissait profondément ces États-Unis. Et donc, je te demanderais tout simplement, sans trop poser de questions, te demander ton opinion, Étienne, un retour sur ce président désigné et qui sera élu le 19 décembre et qui sera officiellement assermenté le 20 janvier prochain. Bon, on sent déjà, de par les nominations qu'il fait, que ça va changer chez nos voisins. Oui, et c'est ça, les nominations dans son cabinet sont peut-être le sujet le plus intéressant. Parce que moi, ce que j'ai fait d'abord, faut donner raison à Michael Moore. Lui, il connaissait ses états au sud des Grands Lacs, ses états très ouvriers. Il vient de là, il les connaissait, il connaissait le pouls de la population. Et moi, quand je l'écoutais parler, je pouvais que lui donner raison. Trump pouvait seulement gagner, vu qu'il... Il allait voir ces gens-là. Tu l'avais dit, d'ailleurs. Si je me souviens bien, la dernière fois que t'es venu, et bon, j'ai pas fait de cas, j'ai lancé ça en l'air, mais toi, t'avais assis vraiment ton commentaire sur des... Oui, c'est ça. Moi, en fait, je disais à ceux qui me le demandaient personnellement depuis printemps dernier que Trump allait passer parce que lui, il va dans les États ouvriers. Ben, il y est allé. Alors que je pense que le Wisconsin, c'est ça que j'avais lu, que Hillary Clinton n'a jamais physiquement mis les pieds au Wisconsin de toute la campagne. Alors, est-ce qu'on peut s'étonner qu'elle perde? Elle était pas assez énergique pour avancer son point de vue. Alors, Trump pouvait seulement passer, surtout parce qu'il parlait de l'ALENA. Personne parle de l'ALENA aux États-Unis. Lui, il disait, ça a tué vos emplois, je vais tuer l'ALENA. C'est un message simple. Ah oui, faut keep it simple. Je me souviens qu'on a abordé cette chose. Keep it simple, stupid. Exactement. Alors, mais ce qui était le plus amusant au moment de la victoire. Bon, d'abord, j'ai pas sabré le champagne quand j'ai appris la victoire, mais j'ai sorti mon popcorn parce que c'était vraiment... Personnellement, je trouvais ça drôle de voir les compagnies de sondage se tromper les unes après les autres. C'est la phase des commentateurs de Radio-Canada aussi, moi. C'est ça que je regardais aussi. Eux. Je me suis pas permis d'autres sites, mais... Au moins, j'ai eu ce plaisir-là pendant la soirée de voir les mines déconfites de gens qui sont censés détenir la vérité, mais qui se trompent. Comme avec le Brexit, d'ailleurs. Hein? Ben oui. Et qui se trompent. On le nomme tous. Souvent comme exemple, justement. Exactement. Et ce qui est vraiment intéressant, je vais faire le lien avec le Brexit, c'est le Brexit qui a justement, qui s'adresse aux ouvriers, qui a mené une campagne populiste et qui a gagné presque malgré elle, parce que quand on regarde les leaders du Brexit, ils ont quitté. Ils ont gagné, semblaient presque surpris d'avoir gagné. Il y en a un qui... voyons son nom, mais Boris Johnson, lui, a dit « Non, je me présenterai pas à la chefferie de mon parti conservateur », alors qu'il venait de gagner. Et il y avait l'autre du parti UKIP, Nigel Farage, lui a dit « Je quitte la politique du moment que j'ai gagné ». Alors, c'est comme des politiciens qui emploient ces forces-là populistes, mais qui ne savent pas quoi en faire du moment qu'ils ont gagné. Et je me demande s'il n'y a pas un lien à faire avec Donald Trump, parce que quand je regardais les photos dans son loft au sommet de sa Trump Tower, les photos au moment de l'annonce de sa victoire, tout le monde autour de lui, sa famille, ses collaborateurs, ont le sourire fendu jusqu'aux oreilles. Lui, étrangement, je ne sais pas si c'est la fatigue ou autre chose, mais je regardais son visage. Il avait de l'air d'avoir une mine d'enterrement. Est-ce qu'il voulait vraiment gagner? C'est la pensée que j'ai eue en regardant les photos et en vraiment en regardant son visage croqué sur le vif. Je suis pas convaincu qu'il s'attendait à gagner et qu'il voulait gagner. Lui, en tout cas, il s'est amusé pendant la campagne parce que l'attention était braquée sur lui. Mais est-ce qu'il veut les responsabilités et les critiques qui viendront? Parce que là, c'est plus Obama qui sera blâmé pour dès qu'il neige, dès qu'il vente, dès qu'il pleut. C'est la faute au fédéral. Ça, c'est international, ça, je pense. C'est ça, ce sera lui désormais. Est-ce que vraiment il va, ça va lui plaire? J'en suis pas convaincu. Et le lien aussi à faire, très important, c'est avec Ronald Reagan dans les années 80. Lui aussi était en dehors du système. Les gens s'attendaient pas à ce qu'il gagne. C'est un acteur, un cow-boy. Les gens le voyaient comme un bouffon. Sa victoire a pris les gens par surprise. Il a gagné grâce à un mouvement surprise au sein de la population. Et aussi, lui aussi, on n'est pas sûr qu'il voulait avoir ce travail-là parce que Ronald Reagan, ça va peut-être dire quelque chose à des gens qui ont lu sur l'histoire de France, mais on parle des fois de rois fainéants, qui ont le poste de roi, mais qui ne travaillent pas vraiment. Ils dorment la plupart du temps, ils laissent leurs conseillers mener toutes les affaires. C'était le cas de Ronald Reagan, qui lui faisait la sieste quasiment toute la journée, travaillait jamais plus de 3 heures de suite. Je me demande si ce ne sera pas aussi le cas de Donald Trump, qui lui a déjà dit que ça ne lui tentait pas de passer tout son temps à la Maison-Blanche et qui préfère rester dans sa tour à New York, bien tranquille chez lui. Alors, je me demande à quel point il va être là à répondre présent du matin au soir. J'ai du mal à l'imaginer. C'est pour ça que ses nominations au cabinet sont capitales. C'est peut-être ces gens-là qui vont vraiment manier les affaires pendant que lui, je sais pas, passe ses soirées sur Twitter ou je sais pas quel divertissement il va se trouver. Non, mais on voit déjà, dans ses rencontres avec, entre autres, sa première rencontre officielle, si ça en est, puisque là, on parle d'un président désigné qui n'est pas encore officiellement président de son pays, mais le premier ministre japonais est venu avec sa délégation rencontrer dans la Trump Tower à New York Donald Trump, mais il n'était pas accompagné, nous a-t-on dit, en tout cas les photos le prouvent aussi, de grands conseillers du secrétariat d'État. Il a même pas voulu être briefé par le secrétariat d'État. Il a plutôt demandé à son gendre, le mari d'une de ses filles, d'être lui-même briefé par la secrétaire d'État, ce qui est une première dans ce cas-là, et donc d'avoir quelqu'un de sa famille qui joue le rôle de conseiller expert. Évidemment, on peut référer au temps de John F. Kennedy, qui avait embauché son frère Robert Kennedy, mais c'était quand même un avocat déjà. Il n'a pas été nommé ministre de la Justice ou l'équivalent à l'Attorney General parce qu'il avait des beaux yeux et qu'il s'appelait Kennedy. Il avait quand même les compétences pour ça, on l'a bien vu par la suite. Il a lui-même voulu briguer le poste de président, donc on se demande si Trump ne veut pas trop impliquer sa famille au lieu d'avoir des conseils de milliers de fonctionnaires derrière lui. Là, j'ai l'impression que de présenter sa fille pour qu'elle puisse vendre des bijoux au Japon semblait plus important que de se demander si elle allait avoir, par exemple, une entente de libre-échange avec le Japon. Par exemple, est-ce que il y a des choses à discuter sur la monnaie? Mais parlant de monnaie, je me suis moi-même auto-présenté le sujet. Tu nous as fait référence justement à Brexit tout à l'heure, qu'on n'avait pas prévu. Les Anglais, les Britanniques, en Grande-Bretagne, ils ont ils n'ont pas l'euro, ils ont toujours leur propre monnaie sterling. Oui. Mais la guerre des monnaies contre le dollar US ou contre l'euro, si on prend le parallèle, c'est pas d'hier. Là. Quelle est ce qu'on pourrait dire, l'attitude de la Chine par rapport à l'utilisation du dollar américain? Là? Oui, c'est ça. Moi, ici, à cette antenne, à peu près à chaque année, je fais une émission sur la Chine parce que au moment où on se parle, c'est devenu la superpuissance économique, la première puissance. Alors, c'est pour ça que pour parler de leur attitude face au dollar ou à la puissance américaine, c'est important de parler d'un livre de l'économiste Hong Bing-sung et qui s'appelle « La guerre des monnaies, la Chine et le nouvel ordre mondial ». Je vais en parler plus tard. Oui, ben c'est ça. Allons en pause musicale. Vous savez, j'ai pas une grande discographie chez moi. Là, c'est toujours même... Je pense que j'ai plus de disques, de longs jeux, comme on dit dans le temps, que de CD. Fait que vous imaginez, mais j'ai probablement beaucoup, beaucoup plus de cassettes. Mais ça, il y a une émission à CKRL où notre ami Jeff fait jouer ses cassettes. Mais donc, parmi mes quelques CD, il y a Bernard Simon, l'accordéoniste. Je trouve que c'est une température là, pour ce genre de musique. Et il y a une chanson qui fait référence à Paris. Et je dois juste saluer tous les gens qui sont à Marrakech ou qui sont en train de revenir chez eux penauds. On attendait beaucoup d'action. On disait que la COP21 était la conférence des partis pour un accord universel qui allait changer le monde, protéger la planète, s'assurer de ne pas augmenter les degrés de 1,5 au cours des prochaines années. Alors, tout ça, on sait que ces contributions nationales volontaires, non coercitives, ne sont pas assez contraignantes pour arriver à de quoi, mais on pensait qu'à Marrakech, cette semaine, ça se terminait hier, en fait, cette semaine, qu'on allait enfin être dans l'action, confirmer le financement que les États-Unis, du 500 millions qu'ils avaient donné, allaient probablement promettre de déposer dans un compte les 2 milliards, 500 millions qui manquent. Alors, je laisse deviner la réponse. Je pense pas que M. Trump, qui a été le sujet de l'heure, d'ailleurs, là-bas, il a volé la vedette à l'accord universel. Tout le monde remet en question la possibilité que cet accord soit vraiment mis en œuvre au cours des 3 prochaines années. On parle plutôt de la possibilité de Donald Trump de faire en sorte que dans la prochaine année, il va pouvoir retirer la signature sur du papier d'Arménie de l'accord universel fait par les États-Unis d'Amérique l'année passée, en décembre dernier, à Paris. Donc, on salue tous ceux qui avaient fait l'effort pour sauver la planète à Paris, quand on sait que, de toute façon, c'est le système qu'il faut changer, même si Donald Trump dit qu'il a changé le système, c'est le système qui l'a fait vivre, c'est le système qui va le faire vivre, c'est le système qui va faire vivre le reste des États-Unis pendant les 4 prochaines années au moins. Alors, je pense que ceux qui n'ont pas compris, il faut pas juste changer de politicien, mais changer le système. Alors, salut Paris. Ne dites plus que Paris est triste quand il pleut. Dites plutôt qu'il pleut, parce que Paris est triste. Au sortir de la gare, ce n'est pas une fleuriste qui m'a dit l'air hagard et du sang dans les yeux. Et du sang dans les yeux. T'as pas un franc ou deux. Je n'ai pas ri. Paris, y'a pas de quoi rire. À devoir souffrir. Mais Paris, qui t'a fait ça? Veux-tu me le dire? Qu'est devenue ta vie, Paris, ville lumière? Des jours noirs de poussière, de fausse clarté la nuit. Au téton des bistrots, tu t'abreuves d'oubli. Et les bouches du métro t'aspirent sous la terre. T'aspire sous la terre, mieux que tes cimetières. Je n'ai pas ri. Paris, y'a pas de quoi rire, à devoir mourir. Mais Paris, qui t'a fait ça? Veux-tu me le dire? Sur les ondes qui bruinent, j'ai recherché naïf le bon indicatif du poétique spleen. Mais de votre Baudelaire m'a dit une speakerine, y'a plus que chez les libraires qu'on trouve les hiéroglyphes. Qu'on trouve les hiéroglyphes, sa voix encore me griffe. Je n'ai pas ri, Paris, y'a pas quoi rire, à te voir pourrir, mais Paris, Paris, qui t'a fait ça? Veux-tu me le dire? Qui t'a fait ça? Veux-tu me le dire? Paris, c'est de l'histoire, Paris, l'accord de Paris. Étienne Blondeau, oui. Rappelle-nous le titre de ce livre qui t'a encouragé à nous parler de la relation de la Chine avec la monnaie internationale, le dollar canadien ou américain. Oui, le livre de Hong Bing-sung, c'est « La guerre des monnaies ». Alors, Hong Bing-sung, lui, est un économiste chinois qui a beaucoup vécu aux États-Unis et qui a aussi travaillé dans la finance. Alors, il les a vus de très près, les hommes d'affaires de Wall Street. Et quand est de retour en Chine, lui, il a voulu faire un livre qui rassemble toutes ses observations pour faire un avertissement aux Chinois pour leur dire que c'est en fait des individus très dangereux et que les Chinois devraient s'en méfier de la finance internationale, des prêts des banques, des prêts des grandes organisations internationales comme le FMI, la Banque mondiale et tous les autres. Parce qu'il dit, ces gens-là, ça se voit à travers chaque page, il met vraiment l'accent sur l'immoralité du monde de la banque. Et quelque chose qu'il trouve affreux. Et c'est ça, il veut vraiment avertir les Chinois pour dire qu'ils ne connaissent pas bien les risques de la finance et qu'ils sont sans défense et qu'ils doivent vraiment apprendre à vivre par leurs propres moyens financiers, à rendre leur monnaie, le yuan, plus fort et à ne pas se faire attaquer par les financiers. Alors, en gros, ce livre-là a été très populaire parce qu'il y a eu des millions de copies vendues, ce qui est assez rare pour un livre qui parle de monnaie, et qu'il y a même des ministres du gouvernement chinois qui forçaient leurs fonctionnaires à le lire pour être mieux préparés pour une sorte de guerre économique, finalement, parce qu'il n'y a pas de guerre entre des armées chinoises et états-uniennes, évidemment, mais on peut dire qu'ils sont en guerre dans le sens que chaque économie essaie de l'emporter sur l'autre, essaie, si possible, de nuire à l'autre pour pas garder leur place au sommet de la puissance économique mondiale. Alors, en gros, il commence par faire une longue histoire de la banque, ce qu'il appelle la Banque internationale, et il commence par la famille des Rothschild, qui finalement représente la première forme de banque internationale parce que le premier, Mayer, qui s'appelait Mayer Rothschild, a placé ses enfants dans les grandes capitales d'Europe. Un fils à Londres, un autre à Paris, un à Naples, un en Autriche et un qui restait en Allemagne. Et finalement, comme ça, ils pouvaient pouvoir communiquer et faire des affaires plus lucratives puisqu'ils étaient toujours en communication très rapide les uns avec les autres. Ici, l'auteur, je crois qu'il tombe un peu dans la caricature ou alors il est un peu dans le folklore de cette famille de banquiers-là, des Rothschild, parce qu'il ressort certaines citations qui se sont avérées fausses, d'après ce que j'ai recherché. Comme par exemple une fausse citation où est-ce que je crois que c'est Nathan Rothschild qui aurait dit que lui n'en avait rien à faire de qui était au gouvernement tant que lui pouvait contrôler la monnaie et créer la monnaie, c'était lui qui était au pouvoir. C'est une citation qui semble fausse. Alors, c'est ça qui est... je pense qu'il tombe un peu trop dans la caricature de ce côté-là, mais son histoire est plus intéressante quand il se met à parler des États-Unis. parce qu'il parle de très près de l'histoire des États-Unis. Et il commence peut-être avec une statistique qui pourrait intéresser Donald Trump, parce qu'il dit que les présidents aux États-Unis, finalement, sont plus nombreux à être morts en exercice que les soldats qui étaient au front, au débarquement de Normandie. Il y a un meilleur taux de survie si vous étiez avec un casque sur les plages de Normandie que si vous allez au bureau ovale. Faut l'admettre, il y a beaucoup de gens, de présidents des États-Unis qui ont été abattus en fonction ou qui sont morts dans d'autres circonstances. Mais lui, vraiment, son avis, M. Hong Bing, c'est que c'est parce que les présidents se faisaient trop d'ennemis parce qu'ils essayaient d'influencer sur l'économie américaine et s'arranger pour qu'elle serve le peuple plutôt que les banques. Et ça, on le trouve dès le début des États-Unis, dès le début de leur histoire, avec les fameux pères fondateurs, qui se divisaient déjà dès le départ en deux groupes. Ceux qui étaient plus de l'avis qu'il fallait avoir une finance forte, qui serait du style européen, du style de l'Angleterre, une banque centrale privée, qui n'est pas redevable au peuple, et qui crée l'argent national, la monnaie nationale, et qui laisse les banques, qui laisse aux banques le pouvoir de créer la monnaie nationale aussi, dans le but d'avoir une finance forte. Ça, c'était par exemple l'avis de Hamilton, mais en face de lui, il y avait d'autres pères fondateurs comme Jefferson, John Adams, qui seront présidents. Eux voulaient une monnaie qui serait créée par le peuple, pour les besoins du peuple et pour soutenir l'industrie, pas la spéculation financière. Alors vraiment, il insiste sans arrêt à chaque chapitre là-dessus. L'histoire des États-Unis, vous pourriez quasiment prendre au couteau et diviser en deux les présidents. Certains sont plus du côté de la finance, certains entretiennent ce rêve-là que le dollar américain serait créé par la fonction publique pour les besoins du public, pour la population, et qu'on enlèverait ce droit-là aux banques. Il traverse toute l'histoire des États-Unis pour raconter cette espèce de lutte d'influence-là entre les deux camps. Par exemple, il y a eu une banque centrale assez tôt dans leur histoire. Ils y mettent fin. Au Congrès, ils arrivent à voter pour mettre fin à cette banque-là en 1812. Alors, selon lui, la guerre de 1812, c'est en représailles. Les banquiers européens qui n'aiment pas qu'un modèle plus progressiste seraient mis à la place, eh bien, ils encouragent l'Angleterre à partir en guerre contre les États-Unis, ce qui a donné cette guerre de 1812 que Stephen Harper aimait tant, avec elle aussi tout son folklore comme Laura Socor. On avance dans le temps, on a un président démocrate, le premier président démocrate, Andrew Jackson, qui lui aussi met fin à la seconde banque centrale des États-Unis, et immédiatement après, il y a plusieurs tentatives d'assassinat contre lui, qui ont échoué presque par miracle. Un assassin a essayé de le tuer au pistolet, et le pistolet s'est enrayé deux fois de suite. Alors, certains ont été assez chanceux, ce qui leur ont permis de mettre fin à des banques centrales privées, mais qui étaient recréées souvent quelques générations plus tard, parce que les banquiers semblaient persévérer pour créer une banque privée qui serait vraiment dans le style des banques européennes sur lesquelles les gouvernements n'ont pas de contrôle parce qu'elles sont autonomes. Alors, on peut faire vraiment le tour de tous les présidents comme ça. Abraham Lincoln, lui qui créait des dollars créés par le gouvernement américain, ce qu'il appelait les greenbacks parce que le derrière était vert, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Je connais les green drinks, mais les ouais, greenbacks. C'est ça. Les greenbacks et... En gros, selon l'auteur, encore une fois, c'est parce que les banquiers l'ont mal pris, qui finançait sa propre guerre civile par lui-même, par ces dollars-là, qu'il y a eu des tentatives d'assassinat contre lui, qui ont réussi dans la fameuse pièce de théâtre où il a perdu la vie. Alors vraiment, c'est ça l'insistance de cet auteur-là. Il dit que il y a eu comme une lutte à mort, hein, de ceux qui décident de combattre la banque le font au péril de leur vie, finalement. Ce qui est particulièrement inquiétant. Et il continue comme ça en disant que les banquiers avaient tendance à financer les deux camps lorsque venait le temps qu'il y ait une guerre mondiale. On peut retrouver, par exemple, le cas de la Banque des règlements internationaux qui prêtait à Hitler au moment où c'était connu que c'était un individu peu fréquentable. Alors vraiment, il y a plusieurs exemples inquiétants qui tiennent à souligner pour prouver l'immoralité des banques et convaincre les Chinois de ne compter que sur eux-mêmes, créer leur monnaie pour eux-mêmes et pour leur peuple. Et en gros aussi, ils parlent des attaques financières. Parce que c'est très important lorsqu'on fait, par exemple, l'histoire d'attaque, là, notre groupe Attaque, oui. Lui, c'est créé sur la taxe Tobin. Mais d'où elle venait, cette taxe Tobin? D'un économiste qui, lui, voyait la spéculation financière sur les monnaies. Où est-ce que les pays du tiers-monde, la finance internationale, décidaient de spéculer à la baisse sur leur monnaie. Et ces monnaies-là s'effondraient à toute vitesse. Alors lui, il voulait taxer les transactions de monnaie pour pas qu'il y ait de la spéculation extrêmement rapide. Souvent, ils font ça pour encourager les exportations, en fait. Oui, bien, il s'agit souvent d'attaques chez les pays qui acceptaient, on peut appeler ça l'espèce de chant de sirène, des investisseurs internationaux qui disent aux pays souvent très pauvres ou aux petites nations, oui, ouvrez vos frontières, les investissements internationaux vont affluer en beaux dollars américains, mm-hmm. On va investir dans vos industries. Alors, ils ouvrent leurs frontières, qu'est-ce qui se passe? Le seul argent qui rentre, c'est de la spéculation. Spéculation contre leur monnaie. Et du moment que l'économie s'est effondrée, les spéculateurs peuvent tout acheter à vil prix, alors que plus rien ne vaut quoi que ce soit. Alors finalement, il y a beaucoup d'économies qui ont été détruites comme ça. Tous les pays comme l'Ukraine, l'ex-Yougoslavie, le Mexique, les pays d'Amérique latine. Cet auteur-là en fait une liste très complète. Il dit la Chine doit s'éviter des attaques spéculatives. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça qu'il prône des frontières imperméables là, à ces attaques spéculatives-là. Et il dit aussi que le yuan doit être basé sur ce bon vieil or. Hein? Il fait remarquer que le caractère chinois pour finance, c'est presque le même caractère que pour l'or, là, le métal. Il dit que vraiment, chaque yuan devrait être échangeable en or, comme ça, les banques ne pourraient pas le créer comme elles le souhaitent pour spéculer. Oui, évidemment, de toute évidence, les gens vont spéculer sur l'or. Ben c'est ça, je dirais que c'est ça la faiblesse de son argumentaire, parce que qui contrôle l'or et qui contrôle les mines d'or, ce serait une personne qui serait très influente en Chine à ce moment-là. Oui. Mais il croit que quand c'est on déjà, voit les Chinois investir ici dans les mines d'or. Oui, ben d'ailleurs, c'est ça, comme je disais, des millions de personnes ont acheté son livre et vraiment la Chine achète l'or en quantité, en nombre de tonnes que vous pouvez à peine imaginer. Donc, peu importe les faiblesses de l'argumentaire ou de son parcours, ou de son espèce de revue historique l'histoire des banques, le message est passé et je crois que les Chinois ils vont à fond le train dans cette thèse de l'auteur. La Chine doit contrôler de l'or et doit avoir une monnaie très forte basée sur l'or, doit refuser de faire affaire avec des organisations internationales comme le FMI. Et au moins sur le FMI, on peut lui donner raison, parce que moi je lisais Christine Lagarde là, qui était à la tête de l'organisme, qui disait que quand le monde va mal, le Fonds monétaire international va bien. Hein, parce qu'ils peuvent prêter à des taux... usuriers. Oui, c'est ça. Donc, je crois que la méfiance de cet économiste-là, Hung Bing, je comprends sa méfiance contre la finance internationale, mais il y a beaucoup de bémols à mettre... de bémols et de nuances à mettre à son propos que j'aurais pas vraiment le temps de faire aujourd'hui, mais je recommande la lecture de ce livre-là parce que c'est vraiment une vue très rapide de l'histoire de la finance. Ce serait bénéfique pour tout le monde. Et parlant de recommandations de lecture, j'en ai deux à vous faire avant de prendre une petite pause. C'est le livre, le dernier en fait, de Simon-Pierre Savard-Tremblay, « L'État succursale, la démission politique du Québec ». Et Simon-Pierre, je suis allé à son lancement il y a quelques semaines déjà, et ça faisait depuis ce temps que je voulais l'avoir à l'émission. Semble-t-il qu'il est disponible dans quelques minutes. On va aller le rejoindre à Montréal. Probablement, on va le rejoindre par téléphone. Et ce titre, « L'État succursale, la démission politique du Québec », il y avait au moins deux chapitres, le quatrième et le cinquième. 5e, le Québec sous les transnationales et le nouveau despotisme libre-échangiste. Donc, c'est un discours, comment dire, nationaliste plutôt de gauche qui s'intéresse au fait qu'un État devienne une succursale. Et l'autre lecture que je vous recommande, c'est la dernière revue Relations, et je remercie ceux qui ont pu nous l'expédier directement ici, dans le casier de CKRL. S'il y a des choses que vous voulez qu'on mentionne à l'émission Grain de sable, n'hésitez pas à venir porter ça dans notre casier ou aller sur le blog qu'Étienne met à jour pour nous gentiment chaque semaine. Il y a moyen de communiquer avec nous pour nous faire des suggestions de lecture. Donc, le numéro 787 de la revue Relations, sur le thème « La trahison des élites, austérité, évasion fiscale et privatisation au Québec ». Et la première chose que j'ai été voir, c'est de lire l'éditorial signé Catherine Caron, qui est très intéressant, mais il était écrit au moment où, je pense bien qu'il devait aller sous presse, et on pensait là qu'il allait avoir une ouverture créée par les Wallons en Wallonix avec leur pôle magnétique. Mais finalement, on connaît l'issue, on ne reviendra pas là-dessus. Alors, ça avait été intéressant de voir cet éditorial qui était consacré, en fait, à plein feu sur l'accord Canada-Europe. On n'en reviendra pas là-dessus, mais il y a un texte de Catherine aussi, Catherine Caron, « La trahison des élites », qui est très, très intéressant. Il y a une entrevue avec Alain Deneau, qui est membre de la Commission des finances, qui a été, en fait, porte-parole pour Oxfam, aux membres de la Commission des finances publiques le 15 septembre dernier. Et Catherine Caron lui fait une interview vraiment intéressante. Mettre fin au règne des multinationales. On voit vraiment les références, entre autres, si vous voulez savoir que répond Alain Deneau à la question « Qu'en est-il chez nous de la prétendue volonté d'agir du gouvernement Couillard en matière d'évasion fiscale? » Eh bien, vous avez une approximation de réponse d'Alain Deneau. Très intéressant. Donc, j'ai l'impression humaine, Sébastien Lacombe nous dit. Je peux voir jusqu'au bout du monde. À chaque seconde, mon regard vagabonde. Je perçois sous les carapaces un face à face qui fait volte-face. Je l'évite, récolte mes rêves sur mon tapis volant jusqu'au firmament. Je gravite et j'orbite, je suis libre. Je suis libre de faire ce que je veux. La terre est une grande cuve. J'y prends mon bain. Je me salis les mains. Oh, je vis, ris comme un gamin. Sans lendemain, je me moque du destin et je glisse sur la voie lactée. Je suis comme héliporté, transfiguré, mon être sans lécher. Whoa, whoa. liberté, je ne veux plus être prisonnier. Plus de barreaux pour mon cerveau, de possible et d'impossible. Je veux m'évader, m'envoler, un courant d'air loin de la terre. Libre comme une vague qui fait des vagues et qui se fond dans l'océan. J'invente aux yeux, j'ouvre les cieux. Tout ce que je veux, c'est de devenir vieux. Je grimpe mon échelle, une étincelle a répondu à mes appels. Mon cadran n'indique plus le temps, mon odyssée va s'éterniser. Je suis spontané, instantané, prêt à voter pour la liberté. La liberté. La liberté. La liberté. Oh, oh. Je suis libre. Je suis libre de faire ce que je veux. CKRL 89.1. L'Orchestre symphonique de Québec reçoit au Grand Théâtre ce dimanche, à 14h30, le prodige québécois Charles-Richard Hamelin, lauréat du prestigieux concours Chopin 2015. Au programme, le Concerto pour piano numéro 2. Une rencontre exceptionnelle où Chopin et Charles-Richard Hamelin partageront cette sensibilité à fleur de peau. Profitez-en aussi pour amener votre enfant de 16 ans et moins gratuitement et lui faire découvrir la musique symphonique autrement. Détails sur osq.org, Hydro-Québec, partenaire de saison. Et maintenant, le calme revenu devant un auditoire enthousiaste, mais dont beaucoup ne saisissent pas encore très bien la portée de ce qu'ils viennent d'entendre, le ministre prend la parole. 2014, CKRL nommé Radio communautaire de l'année aux rencontres de la disque. 2015, CKRL récidive et l'emporte à nouveau. 2016, ce prix pour marché central et régional est remis à CKRL et ce pour une troisième fois consécutive. C'est la sixième fois que CKRL reçoit cette distinction. Merci à la disque de reconnaître la créativité des artisans et artistes de notre belle radio. Et merci à vous, fidèles auditeurs. Grâce à Poils et Plumes, votre animal de compagnie se sentira mieux. Poils et Plumes, une animalerie de quartier avec un service incomparable, vous offre de la nourriture pour chiens, chats, rongeurs, oiseaux. Des accessoires pour l'hygiène de votre animal, de la litière agglomérante d'argile et bien plus. Vous recherchez une nouvelle diète pour votre chien ou chat? Chez Poils et Plumes, retrouvez les produits From Family, des produits de qualité supérieure avec les ingrédients les plus purs et les plus frais. Poils et Plumes, un service de livraison local, des conseils à profusion et vous serez servi par des gens d'expérience et passionnés. 569 3e Avenue à Limoilou, 418-977-2391. Suivez-nous sur Facebook. Quiz aux bénévoles de l'Opération Nez Rouge. Décrivez ce que vous entendez. Allô, Nez Rouge? Comptable. Blond. 5 pieds 9. Familial rouge. 4 cylindres, 2006. Il y a un sac de chips entre les deux bancs. Le Club Tech. 62 des chaînes à Saint-Rigaudon. À l'Opération Nez Rouge, on est toujours à vos côtés pour bien rentrer. Dans le temps des fêtes, appelez un ami, un taxi ou l'Opération Nez Rouge au 1-866-DESJARDINS. Une présentation de la Société de l'assurance automobile du Québec, Desjardins et de cette station. De retour au Grain de Sable avec Jean Cloutier à l'animation, Étienne Blondeau à la chronique et Simon-Pierre au téléphone. Êtes-vous là, Simon-Pierre Savard-Tremblay? Oui, je suis là, bonjour. Merci d'être avec nous. Je sais que vous êtes un homme très occupé. On vous remercie d'être avec nous. Simon-Pierre, vous avez complété des études collégiales en sciences économiques et sociales au Collège Stanislas de Montréal et vous détenez un baccalauréat en sciences politiques, probablement une maîtrise en sociologie maintenant, parce que je ne sais pas si le site est à jour. Oui, je l'ai, je suis au Ouais, mais c'est ça, parce que j'ai su que vous étiez au doctorat, donc je me suis dit probablement que la maîtrise est complétée. Vous avez présidé l'aile jeunesse du Bloc québécois, donc on peut dire que vous êtes associé au nationalisme, peut-être plutôt de gauche et intellectuel. Vous collaborez à l'Action nationale et vous publiez régulièrement des textes d'opinion dans les grands quotidiens du Québec. D'ailleurs, n'avez-vous pas déjà été blogueur au Journal de Montréal? Maintenant que j'ai un blog au Journal de Montréal, je, je, je m'y astreins. Oui, parce que j'ai même vu des textes de vous au Huffington Post concernant certains dossiers. Ouais. Et donc, chroniqueur à la radio VM et VM pour Ville-Marie, j'imagine. Tout à fait, oui, de même qu'à CIBL à Montréal. Oui, et quel genre de commentaires vous faites dans ces radios? Oh, ben écoutez, des commentaires d'actualité, mais évidemment, l'objectif, c'est toujours non pas de se cantonner à l'actualité, mais de montrer comment souvent des anecdotes du présent relèvent de quelque chose de beaucoup plus grand et de beaucoup plus profond. J'arrive d'un spectacle hier soir des apartistes. Ah oui, oui. On a un des meilleurs sketchs, c'était celui sur les radios Poubelles de Québec. Je m'excuse d'avoir mentionné les noms, là, parce que c'est des mots tabous ici, des fois. Et on espère toujours, des fois, avoir des commentaires de qualité et en espérant un jour que vous pourrez faire vos commentaires en direct à Québec, en plus de pouvoir vous lire au Journal de Montréal. Donc, effectivement, vous avez... Écoutez, je suis pas boudé par les radios de Québec, je vous dirais. Ben, d'abord, il y a vous, là, mais évidemment, les radios auxquelles vous pensez qui sont plus classées à droite... Je les ai faites relativement souvent, je vous dirais même il y a quelques semaines, le jour même de mon lancement à Québec, parce que nous avons fait un petit lancement de livre à Québec, je suis passé par le 93.3, ça a été un beau débat avec M. Duhem. J'ai été témoin, rarement, ça c'est vraiment un cliché, mais rarement j'écoute FM 93, mais par hasard, j'étais dans ma voiture à ce moment-là, et j'ai entendu, là, comment il s'appelle, le conjoint de Bernard Drainville, que je suis content d'oublier son nom de temps en temps, là, Éric Duhem. Il attachez-le, faites quelque chose. Il vous posait tellement des questions agressives, il vous donnait pas le temps de répondre. Alors ça, on va vous faire, nous donner le temps de répondre. Oui, c'est bien gentil. Sauf que regardez, il y avait beau pas tenter de ne pas me laisser le temps de répondre. J'ai pris le temps quand même. Oh, il y avait Bernard Drainville qui était là pour vous aider un petit peu au processus. Vous êtes Grand Prix littéraire de la presse québécoise en 2015, mais pas pour cet ouvrage-là, je crois. C'était l'autre ouvrage avant. Oui, c'est pour mon premier livre, Le souverainisme de province. Bon, donc le provincialisme, ça c'est des choses qu'on a entendues au cours de la dernière campagne à la chefferie. Là. Il y avait Martine Ouellet, que j'aime bien, qui traitait de provincialiste tous ces autres candidats. Vous étiez dans un camp ou l'autre comme ancien président du Bloc, non? Non, je n'ai pas prononcé dans le cadre de la chefferie, de par la neutralité qui doit venir tout naturellement avec le Journal de Montréal, le Journal de Québec. Ah ben oui, donc on souhaite continuer à vous lire. Donc, que se passe-t-il quand un peuple abandonne l'un après l'autre les leviers qu'il s'est donnés pour se gouverner? Dans ce livre, l'État succursale, la démission politique du Québec, je vous ai dit lors du lancement, Simon-Pierre Savard-Tremblay, que moi je retenais déjà dans la table des matières, chapitre 4 et chapitre 5, le Québec sous les transnationales et le nouveau despotisme libre-échangiste. On y reviendra, mais d'abord, pourquoi cet ouvrage? Pourquoi cet ouvrage? Ben, écoutez, parce que comme tout essai sociopolitique sur notre présent, je crois que ce sont des thèses qui doivent être mises de l'avant. Et puis, à ma connaissance, il y a très peu, on a beaucoup traité du phénomène de la satellisation des États ou de la succursalisation des États, mais très peu dans le cadre québécois. Très peu ont décidé de prendre la loupe, de mettre ça sur le Québec et de voir comment nous, on l'a vécu avec notre expérience authentique à nous, autrement dit, avec nos particularités qui sont les nôtres. Donc, c'est une façon pour vous là, de mettre sur papier. Mais est-ce que c'est le sujet de votre thèse de doctorat? Bien, ma thèse de doctorat traite de la grosso modo d'un sujet qui est très connexe, mais de manière internationale. Je me penche pas exclusivement sur le Québec dans la thèse de doctorat. Et puis dans cette thèse d'ailleurs que je peine à vous expliquer, c'est une question qu'il faut pas poser un étudiant de doctorat en thèse, parce que c'est souvent pas très clair, pas encore du moins pas au stade d'être capable de synthétiser la chose. Ben, monsieur le doctorant, on vous invitera lorsque vous serez docteur. Avec grand plaisir. Mais je trouve vraiment intéressant là. Qu'est-ce qui se passe là? On est abandonné? Ben écoutez, on est abandonné, c'est que On a, il y a aussi une partie qui est librement consentie. On a abandonné nous-mêmes une partie de notre affirmation politique. Maintenant, l'État québécois perd graduellement de son importance au profit des entreprises transnationales, d'une part, mais aussi des instances supranationales et des commissions d'experts. Mais ça, je serais porté à dire que c'est occidental comme problème. Mais quand vous prenez le cas québécois spécifiquement, une province, c'était déjà en partant pas beaucoup de pouvoir. Là. C'était déjà, même que la manière que le Canada a été pensé, c'est une manière que tous les pouvoirs qui orientent véritablement la vie d'une nation soient à Ottawa. On laissait à peine quelques pouvoirs comme la santé au Québec, qui sont des pouvoirs importants, bien entendu, mais qui sont pas des pouvoirs qui orientent véritablement les grands choix démocratiques. Donc, vous êtes penché là-dessus. Dans ce chapitre là, que vous consacrez au transnational, vous faites référence au chantier social, à la définition de l'économie sociale faite par Jean-Martin Haussan. Mm-hmm. Vous nous parlez de la gig économie. Mm-hmm. À quoi voulez-vous en venir, en fait, pour... est-ce que la solution est ailleurs que de se laisser aller par les transnationales? Ben ça, c'est évident, parce que c'est une question de souveraineté politique, finalement. Là. D'ailleurs, dans mon débat avec M. Duhaime, il nous disait, il m'a dit une fois, le citoyen, pour toi, ça veut dire l'État. Ben, d'une certaine façon, oui, parce que dans les transnationales, le citoyen ne peut pas s'affirmer, à moins d'être un actionnaire très puissant. Dans les leviers, dans les commissions d'experts, là, les commissions d'économistes ou de juges qu'on nous met en place pour déterminer de l'avenir du monde, le citoyen n'a pas de mot à dire direct là-dedans. Même chose en ce qui concerne les instances supranationales comme le FMI et l'OMC. Parce que si vous, par contre, dans l'État québécois, même si c'est un État qui a été complètement détourné, si on décidait massivement qu'on se remettait à y croire, qu'on investissait véritablement ces instances-là, on pourrait en faire quelque chose. Dans la limite du possible, bien entendu, parce que ça ne demeure qu'une province, cet État-là. Mais évidemment, si on décide d'aller encore plus loin et de conquérir notre indépendance collective, ça serait vraiment très charmant comme résultat. Oui, vous avez consulté Yves Michaud. On voit dans les remerciements que vous le remerciez. Vous mentionnez... Ouais, dans le cas précis, je ne l'ai pas consulté directement là-dessus, mais en fait, c'est souvent au fil de discussions comme ça où M. Michaud, quelqu'un qui, lui, par exemple... Son combat en faveur oui. des actionnaires. Puis quand on parle des actionnaires, on parle du petit actionnaire qui est floué. On parle pas des fonds d'investissement, des fonds actionnariaux qui, eux, en une saute d'humeur, en une fin d'après-midi, font une transaction en ligne et peuvent ruiner des milliers de vies. On ne parle pas de ceux-là, bien entendu. C'est plutôt le contraire qui est Michaud défend. C'est dans ce sens-là que vous définissez l'État qui devient une succursale. Bien, qui est une succursale au sens où c'est un gros magasin. Puis un gros magasin avait où nos élus ne sont que des commis au service à la clientèle. Il n'y a plus de grandes visions qui s'affrontent là, il n'y a plus de grandes orientations qui vont être débattues pendant les élections, qui sont pourtant les moments de démocratie qui devraient être les plus valorisés. On n'est plus là-dedans. Là, on est plutôt dans une... Quand on a une élection, les différents... C'est comme une entrevue d'embauche, puis les différents candidats à l'embauche nous présente des programmes où il y a néanmoins une description de tâches qui est très, très précise. C'est de gérer à la petite semaine, de bien gérer les comptes publics et de favoriser le plus les entreprises qui s'installent, de favoriser une circulation des capitaux la plus mobile possible. Et puis, donc, c'est limité à ça. On peut difficilement renverser ce libéralisme ambiant-là qui est une véritable religion officielle. Oui, mais en fait, c'est l'histoire. Je ne vais pas me faire le défenseur de l'histoire du capitalisme, mais je sais qu'à l'ENAP, on nous parlait beaucoup de Brodel qui, avec sa petite plaquette là, qui nous raconte l'histoire du capitalisme, qui fait en sorte que dans le monde, l'important, en fait, quand on veut accumuler de la richesse, c'est d'être proche de l'hégémon. Alors, on peut savoir que à l'origine, les inventeurs du capitalisme moderne se seraient retrouvés à Gênes, en Italie, en créant les premières banques qui finançaient les explorations, dont celle de Christophe Colomb et d'autres, pour aller découvrir l'Amérique. Par la suite, l'hégémon s'est transféré vers Amsterdam, dit-on, parce qu'on avait le marché des épices. Par la suite, Londres a volé la vedette. Donc, il y a une sorte de mouvement vers l'Ouest qui s'est toujours fait. Mm-hmm. New York est devenu l'hégémon. Donc, essentiellement, Brodel nous disait, plus tu es proche de l'hégémon, donc dans notre cas, d'être proche de New York, ça avait avantagé le développement de l'économie canadienne, québécoise, nord-américaine. Mais là, on vient de parler avec notre ami chroniqueur Étienne Blondeau, qui nous rappelait l'importance de la Chine, et la Chine voulant confronter l'importance du dollar américain. En tout cas, il y a des auteurs qui s'intéressent au fait que, dans le fond, on pensait que l'hégémon allait devenir Los Angeles, donc elle allait vers l'ouest. Mais là, je pense que de New York, on a sauté par-dessus Los Angeles ou la Californie pour se rendre jusqu'en Asie. Et là, vraiment, on sent que l'hégémon, c'est la Chine. L'important est d'être proche de la Chine, de l'hégémon, du centre. Plus on est proche, selon Brodel, du centre du monde capitaliste, de l'hégémon, de l'hégémonie, et plus on a des chances d'accumuler de la richesse et d'avoir une meilleure économie. Alors, je pense que l'élection de Trump, si je termine mon commentaire avant de vous ouvrir la porte, c'est... Les gens ont réagi au libre-échange, ont réagi au fait que la Chine est en train de voler, damer le pion aux Américains. Donc, le déclin de l'Américain est comme confirmé par l'élection de Trump. Si ceux qui m'ont suivi, je vous remercie. Alors, quand, c'est pour ça que j'aime beaucoup votre livre, c'est bon, Pierre, ça va trembler. J'ai l'impression que là, vous avez québécisé ce débat, dire, bon, ben, les méchantes transnationales, qu'on appelle dans la revue Relations multinationales, mais j'aimerais ça dire à Catherine Caron que j'aime mieux le terme et qui est galvaudé de multinationales. C'est plutôt transnationales parce que on a la dimension politique dans transnationales, n'est-ce pas? Oui, oui, tout à fait. Ben écoutez, d'abord pour la question de transnationale, oui, c'est un mot que je préfère parce que multinationale signifie qu'une corporation qui sans frontières comme ça a plusieurs nations. Or, ce n'est pas le cas. Elle les dépasse, d'où le terme de transnationale. Si Michel Chartrand parlait déjà à l'époque du grand capital apatride, on est là-dedans, puis je trouve que transnationale rend davantage justice à cette réalité-là. Maintenant, pour la question de la Chine, bien entendu, comme vous l'avez dit, Donald Trump, son élection est en partie une réaction face à ça, à la fois chez les victimes du libre-échange et chez une part des Américains. Et son slogan « Make America Great Again », et ils sont pas fous, c'est le déclin de l'Empire américain, vous l'avez dit aussi. On voit une autre puissance qui est en train de monter, puis on veut pas que les deux points sur les graphiques des puissances finissent par se croiser, puis que la Chine dépasse. Ceci étant, il y a plusieurs mouvements contradictoires. Parce que oui, d'une part, la mondialisation, c'est aussi la multiplication des agences d'évaluation. Donc la Chine, les États-Unis et tous les pays du monde se battent pour être bien placés dans les grands classements de la compétitivité des États. Donc ça, c'est une réalité qui est là. Donc les États, finalement, c'est comme des guides sur comment être un bon État libéral qui sont envoyés à l'ensemble des États, comment bien garder au chaud les compagnies qui s'y installent et les capitaux. Mais en même temps, il y a aussi une dévalorisation de ces gros blocs-là, des entités nationales. Il y a une dévalorisation de ça parce qu'il y a aussi des classements qui visent à classer les villes. Donc, vous parliez de Los Angeles, mais maintenant, on cherche à voir en quoi les grandes villes sont interconnectées. Comment Los Angeles et San Francisco et Davos et Londres, comment ça réussit à bien connecter tout ça entre eux? Comment Genève, ça connecte bien avec New York? Comment il y a toute cette dimension-là où on cherche à sortir de l'État-nation. Puis, vous l'avez vu d'ailleurs c'est emblématique de cette nouvelle classe mondiale qui est là aussi, parce que les classes dominantes dans ces grandes villes-là représentent bien aussi, en passant d'une grande ville à l'autre de la même manière, avec la facilité qu'un individu traverserait la rue, ça nous montre bien aussi que le grand rêve de la mondialisation sans frontières, il y a juste une minorité qui en profite. Il y a juste une minorité qui a véritablement les moyens de vivre ce rêve doré-là qui consiste à passer de Davos à San Francisco comme nous, on traverserait la rue. Puis dans une telle logique, les paradis fiscaux, c'est pas une aberration de la mondialisation. Les paradis fiscaux, c'est une conséquence philosophique logique, parce que pourquoi la fortune s'arrêterait là où une frontière se dresse? C'est illogique. Mais sur cette idée aussi de la montée des grandes villes, des grandes cités-États qui dépassent l'État-nation. Regardez les projets de loi qui ont été déposés à Québec cette année, où Québec et Montréal demandent des statuts spéciaux, ne veulent plus transiger directement, ne veulent plus avoir à passer directement par Québec pour traiter avec Ottawa. Elles veulent donc, autrement dit, c'est la montée de ces grandes entités-là qu'on veut autonomes du Québec, qu'on dit qu'elles doivent avoir des identités et des fonctionnements autonomes du reste du Québec, des identités propres. Ah, vous avez raison d'ailleurs, parce qu'on pense souvent qu'il y a trois gouvernements, trois paliers gouvernementaux, trois échelles gouvernementales, alors qu'il n'y en a que deux. Mais ces projets de loi, effectivement, je pense que vous avez raison. Est-ce que ça devient donc un problème constitutionnel, le fait que les municipalités puissent faire affaire directement avec le fédéral, donc ne soient plus des créatures provinciales qui relèvent des compétences étatiques du Québec? Ben, en tout cas, ça... c'est un bon témoignage de l'époque, en tout cas, de l'époque dans laquelle on est, puis de la direction actuelle où vers où le monde va le monde. Mais avant de vous laisser aller à vos occupations, Simon-Pierre, ça va entendre. Ben, il n'y a pas de problème, ça fait plaisir. Je vais absolument parler du nouveau despotisme libre-échangiste. Oui. Nous, si on avait Jacques Bégélina, qui est un de nos chroniqueurs ici, nous parlerait plutôt d'hyper-collusion néo-libre-échangiste, mais j'aime bien votre québécisation du débat en parlant de despotisme libre-échangiste. Donc, tout ça, c'est la faute à Berland-Andry, à Parizeau. Mais quoi que Parizeau, il a reculé un petit peu. Comme je le dis dans le livre, à l'époque où ils l'ont fait, je comprends pourquoi ils l'ont fait. Parce que quand on vient de perdre un référendum sur les peurs économiques, sur la dépendance, là, autrement dit, c'est très facile pour le Canada de dire « si vous partez, vous n'avez plus rien, vous êtes dans le trou, vous commencez à zéro ». Donc, à partir du moment où ce référendum-là est perdu sur de tels faux arguments, je comprends pourquoi les ténors souverainistes, qui étaient aussi dans leur cas des économistes très, très, très, très, très chevronnés, là, et qui, donc l'idée de dire maintenant on ne dépendra plus de vous, on va être dans un autre marché, on va faire des échanges nord-sud, on sera plus avec vous autres, on dépendra plus du grand marché est-ouest sur lequel le Canada est d'ailleurs fondé. Un TGV vers Boston à place d'un TGV vers Toronto, tiens. Ben écoutez, il y a ça aussi à l'époque. TGV, puis c'est plus ou moins question maintenant, ça c'est un autre débat. Ben oui. Sauf que ce qu'il faut comprendre d'une part, c'est que le libre-échange de cette époque-là qui consistait à dire que sur certaines marchandises, on s'entend de pays à pays pour que les droits de douane soient levés. Quoi qu'il y avait déjà quand même des clauses très perverses, comme le fameux chapitre 11 qui favorise les poursuites dans l'ALENA, je parle, qui favorise les poursuites des transnationales contre les États lorsqu'elles estiment que leurs profits sont lésés. Mais le libre-échange d'aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir avec ça. Puis c'est maintenant des accords extrêmement costauds. On nous dit d'ailleurs que le libre-échange, c'est un allègement des règlements. C'est pas un allègement des règlements, c'est des pavés de 6000 pages parfois de règlements qui s'en viennent là. Puis ça, les firmes d'avocats se lèchent les doigts en se disant ça va faire beaucoup d'interprétations. Puis ça, c'est très lucratif d'interpréter ces Ouais, surtout s'ils se font nommer juges dans un tribunal d'arbitrage. Mais d'après certaines sources que j'ai consultées, le poste est ouvert. Si vous connaissez des juges, pour 70 000 euros par année, ils peuvent devenir juges dans un tribunal. Mais d'après ces mêmes sources, ils ne réussiront pas à trouver des juges de qualité. Donc, même si les Wallons ont réussi, ce que le Québec aurait pu faire aussi, s'il y avait vraiment eu des leaders solide, faire comme les Wallons, comme Paul Magnette, le ministre-président, se battre pour avoir un tribunal où on nomme des juges issus du monde public et non pas du monde privé. Et d'après certaines sources que je peux malheureusement pas nommer, effectivement, les avocats spécialisés dans ces ententes de libre-échange n'accepteraient pas de devenir juge pour un si petit salaire, puisqu'ils peuvent faire 1000 euros par jour à consulter nos gouvernements. Merci beaucoup. Mais d'ailleurs, j'aurais aimé vous relancer sur Bernard Landry, parce que par hasard, au Forum social mondial, je l'ai rencontré. Je l'aime bien, en tout cas, dans une autre vie. Je lui dis, écoutez, allez-vous faire comme Parizeau, reculer un petit peu sur le libre-échange avant de trépasser. C'était peut-être pas sympathique de ma part, mais je l'aime beaucoup, M. Landry. Et il m'a dit, écoutez, oui, le chapitre 11, on pourrait s'en reparler, M. Cloutier, mais il dit, avoir le choix entre l'anarchie et une entente et un chapitre 11, vous connaissez ma réponse. Donc, je ne pense pas que la solution autre soit l'anarchie, mais j'espère que ceux qui s'intéressent à avoir quelques réponses concernant le Québec, je recommande vraiment VLB éditeur, l'État succursale, la démission politique du Québec. Merci Simon, Pierre, Savard, Merci Tremblay. Merci à vous. À bientôt. À la prochaine. Au revoir. C'est tout ce qu'on peut dire. Étienne Blondeau, le mot de la fin. La Chine représente un État-nation qui laisse pas l'international ou les villes diriger. Oui. C'est un bel exemple, au moins, sur ce point de vue-là. Et à nos voisins américains, même si vous avez élu Donald Trump, c'est fini. Vous êtes plus le centre du monde, c'est la Chine. Téléchargez Le Grain de sable sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. CKRL 89.1. À la librairie Pantoute, les livres sont testés sur des libraires. Ce mois-ci, Thierry de la succursale Saint-Roch vous propose « Qu'il y reste ».